Dina, nikt się prosto, też już drugi Dina. France, tout c'est vrai, je t'en prends, c'est quand je pense, tout me fait yesh. Dès l'enfance et sentence, dès la crèche, et pas de fraîche, et là que je crèche. L'état de la mêlée, toi fais de la lèche, t'es pas de mèche. Et toi, gars, personne, car personne, ouais, t'allèche. T'es en galère, en calèche. J'ai pas vécu à me plaindre, à jeune, j'ai pas d'écu, c'est le pavé pur, dur. C'est la rue, c'est que je m'apprête en fait. J'ai en tête faire des affaires et la fête. J'ai pas peut-être des galettes. Approcher, t'accrocher, pour vous raccrocher, ça va faucher. Amocher, vous allez finir, vous savez comment me définir, je vois tout et comment. Gabandant, attendant d'accrocher, gars t'entends, j'approche, je vais pas projeter à 30 ans. J'ai décidé de décimer, de redessimer, de redessiner, j'ai des idées. Je veux voir et revoir des PD, des CD, c'est bon, c'est mon devoir, je vais pas céder. Je veux créer mon monde, y faire ta CD, lâcher ma bombe, ça bombe. Je vais y accéder, inchallah, ça va presser. Dynam gadja pressé, v'là le soldat, ça vole pas, ça me vole pas. Dynam, faut que tu me niques, flow unique. Dynam, pas gars qui pue, gars qui tue le bise. Tu me vises et tu te piques, tu te ridiculises.